Dans quelques minutes, vous allez voir les ruines du château d'Alleuze, qui date du XIIIe siècle, reprend Alex. Au cours de la guerre de Cent Ans, un chevalier cruel s'est emparé de la forteresse et a tellement terrorisé les paysans que ceux-ci ont décidé de brûler son château. Ce qui en reste, ce sont les quatre tours et le donjon. L'aventurier n'a pas eu de descendant. « On la visite, la forteresse ?» demande Luc. « Non, mais le dernier jour de vos vacances, on y retournera pour assister au spectacle son et lumière et au magnifique feu d'artifice. » « Oh, super !» dit Daniel. « Hé, Sébastien et Julien, vous avez entendu ? Un feu d'artifice !» crie Daniel enthousiasmé. Plongé dans ses pensées, Sébastien lève les yeux. Julien regarde fixement par la fenêtre. « Ils ne veulent plus parler avec nous, depuis qu'ils ont mangé les murs. »« Elles étaient peut-être ensorcelées ?» se moque Thierry. Tout cela ne dérange pas Sébastien et Julien. Personne ne peut savoir quel terrible secret les trouble. Les ados rentrent à la colonie de vacances en passant par Saint-Flour, ville construite sur une table de basalte.